Daniel, je sais pourquoi, chapitre 9, prémices d'une naissance. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes chez Marie-Noël. Elle ne semblait pas attristée par la perte de son mari. Rien ne semblait l'ébranler et spirituellement, aucun esprit ne venait la visiter ni la troubler, si ce n'est nous-mêmes. Cette remarque fut entrecoupée par une intervention de mon guide. « Daniel, tu te trompes, observe donc plus en profondeur. » Mon guide avait raison. En effet, accrochée à sa fille maintenant devenue une femme, je percevais un esprit qui systématiquement suivait ses moindres faits et gestes. En réalité, une partie de lui-même y était collée. « Mais qu'est-ce que cet esprit sensu » demandai-je. Mon guide me reprit. « Tu te fourvoies dans ton jugement, car cet esprit est la pénitence de cette femme. Elle va être fécondée et accouchera de son pardon. Comment est-ce possible? Son père l'aurait alors engrossée ?» Daniel, répliqua mon guide, quel langage! Non, l'enfant ne sera pas de cet homme, mais d'un amant. Cet avènement n'est pas encore accompli, personne n'est au courant, sauf cet esprit qui prépare son fait. Quant à toi, tu vas assister au périple de l'incarnation. Ce sera une fille, avec l'esprit d'un des violeurs de ta mère. Elle aura une vie de bonté et appliquera la justice. Son action devra être reconnue. La Providence l'amènera face à ses responsabilités. Elle réussira ou échouera. Dieu ne nous révèle pas l'avenir d'une direction plus qu'une autre, car les deux aboutissants sont prévus et aucun n'emporte le suffrage divin. Comprends-tu? Oui. Cette femme va accoucher d'un de ceux qui jadis fut coupable de déséquilibre. Je m'amusais à regarder cet esprit, scrutant les faits et gestes de sa future mère et attentif à ses humeurs. Je ne parvenais pas à le reconnaître. Il n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais vu de mes anciennes connaissances. Il était blanc, presque transparent, semblant comme préparé. « L'enfant est en gestation ? » demandai-je. « Non, répondit mon guide, rien n'est encore fait. Nous ne sommes ici qu'au stade du désir. La jeune femme est en considération, car l'idée vient du garçon. Viens, nous allons le voir. » Aussitôt, nous nous retrouvâmes dans l'appartement d'un homme se trouvant devant un miroir. Il se brossait les dents. Il me paraissait sympathique et avait fière allure. « Qui c'est ? » demandai-je bêtement. « Il s'appelle Philippe. » Un autre timbre que celui de la voix de mon guide m'avait répondu. Pourtant, en me retournant brusquement, je n'aperçus que mon guide, tout souriant. « Pourquoi ai-je entendu une autre voix que la vôtre ? Je ne suis pas intervenu, Daniel. »« Non, répondit un autre esprit. Et là, je reconnus mon frère Sébastien. Il était le guide de Philippe. « Sébastien, je désespérais de te revoir. Où étais-tu donc ? Qu'as-tu fait pendant tout ce temps ? Oh, je suis heureux de te revoir, très heureux. Avons-nous un travail à faire ensemble ? Sur quelle affaire ? » Mais quelle verve tu as là, mon frère? Je suis étonné. Tu sembles avoir assimilé de nombreuses nuances, mais laisse-moi maintenant t'en apprendre une autre. Je n'ai pas été éloigné de toi bien longtemps. Exerce-toi à relativiser les distances et le temps qui va avec. De plus, il faut que tu élargisses les limites de notre dernière famille terrestre, car au-delà du sang, notre véritable filiation est éternelle. Nous sommes tous frères, un sens à redécouvrir et qui me pousse à l'amour sans répondre à une obligation familiale. Mais enfin, le bonheur que tu éprouves, je le partage et t'adresse aussi tout mon contentement. Allez, étudions ce cas maintenant. Mon guide nous regardait, souriant de ses retrouvailles. Il me paraissait songeur. J'étais heureux au milieu de ces deux esprits que j'affectionnais tout particulièrement. Mon guide devait certainement réfléchir à ma future leçon. Je pense même qu'en ces instants, il était comme guidé à son tour, inspiré par une puissance supérieure. Il donnait l'impression d'avoir sur nous une longueur d'avance. « Il te faut étudier, » dit-il. J'aimais mon guide et dire que pendant toutes ces péripéties, je ne connaissais même pas son prénom. Le jeune garçon, quant à lui, finissait sa toilette, un moment important, s'assurant des moindres détails. Je savais qu'il se rendrait à un rendez-vous galant et j'étais décidée de le suivre. Pour une fois que l'étude m'intéressait et que je la comprenais, mon guide me dit « Tu vas suivre cette expérience d'un point de vue spirituel, te montrant des aspects réactionnels que les incarnés ne peuvent percevoir. Tu ne pourras apprécier les situations avec la même conscience qu'eux et tes éventuels jugements seront alors déplacés. » Ce que tu dois comprendre est le sens commun de toute incarnation et la formidable entreprise que cela suppose. Tu dois évaluer la relativité des formes corporelles en te rappelant des autres façons de venir au monde que tu as apprises. Toutes ces découvertes doivent servir tes nouvelles interrogations. Le jeune homme se glissa dans son automobile et s'engagea dans la circulation. Je le suivis en me tenant au-dessus de la voiture, un peu en avant, engageant les rues, essayant ainsi de deviner sa destination. Il m'arrivait de le perdre de vue, mais très vite je le retrouvais en traversant murs et maisons. Quelle journée, si bien sûr il y en avait véritablement une! Je ne me souciais pas de savoir si ces choses étaient pondérables ou non. Je les vivais avec passion. J'étais bien et confiant. Mon guide restait encore invisible. J'entrai dans l'habitacle et m'assis à ses côtés. Je le regardais vivre et m'assurais du bon fonctionnement du véhicule. Une chose m'amusait. Le seul fait de porter mon attention sur la voiture me permettait de visualiser son mécanisme, mais aussi la vie de ceux qui l'avaient construite et aussi ses inventeurs et ses ancêtres. Toutes ces informations se succédaient rapidement et rendaient la vision présente du véhicule difficile. Je me trouvais alors au milieu de chiffres, de plans et de brevets. Par un soudain effort mental, je retrouvais l'automobile. Celle-ci s'arrêta, nous en sortîmes et entrâmes dans un immeuble. Ce n'était pas celui de Marie-Noël. Dans les couloirs, je croisais quelques esprits, vaquant à leurs occupations. Je traversais également des régions parallèles et j'y perçus d'autres endroits, d'autres vies. Je sentis alors mon guide m'inspirant de ne pas me disperser et à garder en conscience le sens de mon étude. Je traversais ces régions matérielles sans me sentir attirée, et Dieu sait que j'avais envie de vivre mille autres choses. Enfin, Philippe se retrouva devant une porte sur laquelle il frappa. Je la passai avant lui, bien que pour Philippe, celle-ci restât fermée. Je vis alors un groupe de jeunes gens en fête. La fille de Marie-Noël, qui se nommait Suzanne, lui ouvrit la porte et l'embrassa amoureusement. Ce baiser me mit en face d'une certaine réalité. J'allais dans cette étude percer l'intimité de ce couple. Cela me gênait et créait en moi une certaine retenue. À ceci, mon guide et Sébastien m'apparurent. Daniel, il ne faut pas confondre présence spirituelle et voyeurisme. Il y a un regard compatissant et un autre pernicieux. Il te faut reconnaître le tien. Il y avait beaucoup de choses à manger dans cette pièce. Les tables rabattues le long des murs étaient recouvertes d'assiettes débordantes de nourriture. Il y avait des dizaines de bouteilles plus ou moins vides, entachées de crème et de sucre collé. Plusieurs personnes étaient agglutinées autour de ce buffet, y tendant les bras et les mains et piétinant des morceaux de pain et de viande tombés à terre par l'empressement et la légèreté. La musique hurlante émettait des sons sourds et répétitifs, faisant vibrer mon être. Elle était émise par un appareillage dont certaines parties ressemblaient à celles de la morgue. Ce que je devinais comme être l'unité centrale était éclairé par de petites lumières vertes et rouges s'allumant et s'éteignant au rythme du son. Au milieu des mangeurs et des buveurs s'agitait un ensemble de personnes soufflantes et humides de sueur. Tout en rythme, cette foule ondulait comme un océan déchaîné. J'étais étonnée de les voir ainsi se tortiller, montrant ici une telle différence avec mes souvenirs dans lesquels je revoyais les danses d'autrefois. Des contrastes étonnants que je devais maîtriser suivant les conseils de mon guide. Malgré les expériences astrales que je vivais, je me trouvais encore simple et ignorant, toujours surpris des nouvelles techniques et modes. Mon guide me répétait toujours que ceci était normal et que mon esprit devait apprendre à gérer ces données à travers le temps et l'espace relatif à mon évolution. Me concentrant davantage sur cette nouvelle étude, je décidai de sonder les jeunes gens de cet endroit. L'un d'eux semblait agrippé à la table tenant d'une main un morceau de viande et plongeant l'autre dans un énorme récipient rempli de graines ou de glands. Il mangeait goulûment, s'arrêtant juste le temps de boire un alcool rouge que je savais être sucré. Un autre encore était accolé aux appareils sonores, prêtant l'oreille d'aussi près que je redoutais qu'il finisse sourd. Il frappait du pied et des mains, appréciant la musique. Pour ma part, je ne percevais que d'horribles formes sombres générées par de lourdes vibrations sonores. À force d'observation, je perçus plusieurs esprits errant là, au milieu des incarnés. Ils vivaient eux aussi les événements de cette petite fête, semblaient-ils très intéressés par les sensations émises. Le seul fait de m'approcher d'eux suffisait à les faire fuir. Mais de quoi avaient-ils peur? Je n'étais pas un monstre, quels idiots, moi qui voulais communiquer avec eux. Continuant mon observation, je me retrouvais face à Philippe et Suzanne, dansant collés l'un à l'autre, les regards croisés et langoureux. Ils étaient beaux et amoureux. L'esprit attaché à Suzanne était blotti contre elle, essayant en fait de s'insérer entre Philippe et sa compagne. M'approchant, je lui demandai : « Mais que fais-tu là ?» Préoccupé, il me répondit : « Ça ne se voit pas, J'essaye d'atteindre les ovaires de cette femme. Je veux connaître leur état. » Surpris, j'ajoutai. « Mais laisse faire les choses. Pourquoi cette préoccupation? N'as-tu pas confiance en la Providence ?»« Oui, répondit-il, je connais tout cela et je sais ce que j'ai à faire. Ne reste pas ici à me troubler. Je dois naître ici et j'y travaille. » Ces propos étaient troublants. Qu'avait-il voulu dire par « j'y travaille » ? Ma curiosité était piquée. Les amoureux, quant à eux, dansaient sans ressentir aucune gêne. L'esprit sympathique tournait autour d'eux, les suivant comme le chat autour de la souris. C'était grotesque. Mais enfin, cet exercice devait avoir quelque chose d'utile, même si j'éprouvais des difficultés à en comprendre le sens. Je devais continuer mon observation et traversais l'appartement. Je me retrouvais dans une autre pièce, certainement la cuisine. J'y découvris un homme penché sur l'évier, vomissant l'excédent d'alcool et de nourriture. Il semblait souffrir, mais pas autant que l'entité spirituelle qui, agrippée au malade, hurlait et chahutait comme un ivrogne. Quel spectacle ! Les abus de l'un contentaient les envies de l'autre. Ceci me révulsait et je quittai la cuisine. Je me tins ensuite derrière deux jeunes femmes accoudées au rebord d'une fenêtre de l'appartement. Elles fumaient une sorte de pipe en papier. Une intuition spontanée me permit de savoir qu'il s'agissait de cigarettes. Ces femmes riaient et s'exclamaient par la fenêtre surplombant une rue faiblement éclairée par des luminaires jaunes. Je les survolais alors et me plaçai devant elles. Tout en étant en substantation, je les observais. Elles étaient jeunes et souriantes, leur visage éclairé d'un large sourire, ravivé d'un regard brillant. Leurs chevelures ondulées, tombant sur leurs avant-bras, étaient secouées par les mouvements de leur tête, s'amusant ainsi de tout et de rien. Je me rappelais alors de l'expérience du cabaret, où les hommes du moment s'adonnaient à la drogue. Ce pincement au cœur me fit comprendre que ces grands enfants se droguaient également. J'aurais voulu les aider, les avertir, mais comment me faire comprendre? Je redoutais l'arrivée de ces monstres spirituels qui s'enivrent des abus des malheureux perdus sur terre. Pourtant, rien ne se produisait. Aucun esprit ne venait vampiriser ces jeunes femmes accoudées au rebord de la fenêtre. Je percevais néanmoins d'innombrables formes se dégager du haut de leur crâne et s'émanciper dans le ciel sans jamais faiblir. Mais qu'est-ce que ces formes ainsi dégagées et s'amplifiant au gré de leur conversation, m'interrogeai-je. Mon guide m'apparut. Il se tenait à mes côtés. Surpris, je lui demandai. « Mais où étiez-vous? Je pensais ne plus vous trouver ici. » « Je suis à tes côtés, sois-en sûr. Je veille au bon déroulement de ce travail, ne sois donc pas étonné. Ce que tu vois se dégager de ces femmes sont les formes spirituelles qu'engendrent leurs pensées. Chacune d'elles a une influence propre à son genre. Elles finiront par s'agglomérer par sympathie à des millions d'autres, construisant ainsi des régions sympathiques toutes différentes. À cet égard, nous sommes tous responsables de nos pensées et de ce qu'elles peuvent produire dans l'astral. » Mais ne reste pas ainsi, poursuis ton initiative d'étudier. Puis mon guide disparut, me laissant à mon travail. Mon attention fut alors attirée par les aboiements d'un chien. Baissant la tête, je me mis à descendre dans la rue que je survolais. Un chien s'y trouvait avec sa maîtresse. M'approchant de lui, j'eus la curiosité d'essayer de capter sa spiritualité. Je vis alors qu'un véritable esprit vivait en ce chien. Cette vision me stupéfia, bien que j'eus connaissance de ce principe d'évolution. Devant mon problème éthique, mon guide réapparut. « Daniel, l'esprit que tu as perçu à travers cet animal n'est pas la forme spirituelle dynamique du chien, mais son absolu essentiel qui est le même pour toute créature ou création. Tu viens ici de comprendre la relativité du temps et de l'espace qui nous sépare les uns des autres et qui invente les différences. » Remercie Dieu pour te permettre ainsi cette percée évolutive et rends-toi compte, devant cet univers incommensurable, du besoin d'un bon équilibre spirituel pour ne pas se fourvoyer dans des explications hâtives et toujours incomplètes ou faussement interprétées. Mais enfin, reviens donc à ton étude, car là-haut, les choses ont changé. Ces expériences me paraissaient tout de même trop fortes pour moi, n'arrivant pas à élaborer là-dessus le début d'une thèse. Je m'éloignais de l'animal avec une certaine émotion, ne comprenant pas sur le moment la subtilité de ce que je venais de voir et les explications de mon guide. Revenu dans l'appartement, je vis les derniers invités refermer la porte derrière eux. Philippe était assis sur un fauteuil, les jambes étirées devant lui. Suzanne, quant à elle, était horrifiée par les salissures et la fumée envahissant l'atmosphère. Ce souci ne semblait pas affecter Philippe, et Suzanne ronchonnait tout en ramassant quelques objets tombés à terre. Dans un angle de la pièce se tenait, statique, l'esprit qui travaillait à sa naissance. Le regardant, il me fit signe de le rejoindre. M'approchant de lui, il me questionna. « Que fais-tu là encore ?»« Ah, je commence à comprendre. Tu désires aussi naître ici. Mais non, je t'assure, tu ne l'auras pas. Je suis ici par la volonté de Dieu. » Interloqué par ces dires, je levai la tête au ciel et appelai mon guide, espérant qu'il m'explique l'obstination de cet esprit qui, à première vue, me considérait comme un concurrent. Je vis soudain mon guide m'apparaître, à commencer par ses pieds ou l'extrémité de son être. En fait, il semblait descendre ou sortir d'un trou situé juste au-dessus de moi. « Daniel, que veux-tu ? Pourquoi donc cette interrogation ? As-tu perçu une chose bouleversante ? Saisis-tu l'autonomie de tes actions ? Ressens-tu la liberté que nous te donnons, signe de ton amélioration ?»« Oui, lui répondis-je, je comprends cela, mais il ne s'ensuit pas que tout se passe bien ici. Voyez de vous-même, cet esprit est paranoïaque. Comment voulez-vous que je suive le périple de son incarnation ? Il est aux aguets et s'imagine que je veux prendre sa place. » « Mais Daniel, répondit mon guide, pourquoi ces pensées ? Est-ce son cœur qui est aigri ou le tien qui serait indiscret ?»« Ceci est un peu fort, rétorquai-je. Je veux bien suivre la naissance d'un homme avec toutes les choses indiscrètes que cela suppose, en vous faisant confiance sur les acquis que je pourrais en récolter. Mais si encore on me taxe de voyeurisme ou d'indiscrétion, là, non ! Mon courage est rompu, et je me demande si je dois continuer. » « Non, Daniel, ne prête pas aux mots des intentions qu'ils n'ont pas, mais essaye de comprendre. Les hommes et acteurs de cette étude ne te perçoivent pas sans ta volonté, et les esprits désincarnés, bien que plus proches de toi, peuvent aussi ne pas te voir ou au contraire ne voir que toi. Oublies-tu donc tes expériences antérieures où désespérément tu essayais de contacter un esprit qui ne te percevait pas ? Tu dois t'efforcer de sortir du champ mental de cet esprit. Ton étude ne stipule pas de voir, mais de comprendre. » Tu apprendras à faire la différence entre regarder et assimiler. L'esprit dont tu parles est perturbé et cherche la solitude pour l'accomplissement de son acte. C'est ainsi que je devins invisible pour cette entité. Mais cet acte me mit en présence d'une autre réalité. Je me retrouvai soudain en face de mon frère Sébastien, suivi d'un groupe d'esprits. Mon guide me dit « Vois-tu, Daniel, les changements spirituels nous font découvrir d'autres horizons, au-delà du mouvement, montrant là la répercussion du spirituel sur la matière astrale. Ton frère Sébastien n'était donc pas éloigné de toi, mais tu viens de découvrir sa spiritualité. Ainsi, plus tu t'ouvriras à la perception, plus tu comprendras les différents états de conscience possibles, tout en contrôlant les changements, synonymes de disparition et d'apparition. » Depuis cet instant, je pus me projeter dans d'innombrables espaces parallèles où je pouvais découvrir d'autres esprits. Plus j'essayais de m'enfoncer en profondeur dans ces univers, d'un côté comme de l'autre, plus la définition du monde matériel qui m'entourait diminuait. La densité du monde terrestre était bien relative à un certain degré de conscience, lui-même déterminé par des besoins. Philippe et Suzanne s'apprêtaient à se coucher. Ils s'allongèrent et s'endormirent immédiatement. Aussitôt, je perçus leurs deux esprits se dégager, ce qui me permit d'évaluer la facilité avec laquelle ils recouvraient leur spiritualité, signe d'une certaine maturité. L'esprit de Suzanne se mit à discuter avec l'entité devant naître par son intermédiaire. Il manifestait là une grande familiarité. Philippe, lui, partait de cette ambiance sans se retourner. Tous ces esprits ne nous avaient pas vus, ne vibrant pas à notre état mental. Sans contredit, j'étais très intéressée. Mon guide et Sébastien me regardaient. Je leur demandais « Que dois-je faire ?» Mon frère répondit « Que penses-tu devoir faire ?» J'ajoutais « Oh, je ne sais pas, mais en tous les cas, pour le bébé, ce ne sera pas pour cette fois. » Devant l'évidente attente de mon guide et de Sébastien, je pris l'initiative de suivre l'esprit de Philippe qui était sorti de la pièce avec une certaine hâte. Je suivais mon idée, traversant l'astral et la matérialité de ce monde dans un élan spontané, sans me soucier de ma décision. Était-ce cela ce qu'on appelle un coup de tête ? Quoi qu'il en soit, mes pensées régissaient ma vie et la forme de celle-ci. Néanmoins, je commençais, à force d'expérience, à évaluer au juste la place de mon intuition qui déterminait le sens de mes études plus qu'un quelconque calcul. Avec le recul et d'une manière sommaire, je pourrais dire que mes intuitions ne furent pas toujours bonnes. Mais ici, rien ne peut être envisagé d'une manière définitive, et le pire des mâles finit toujours par montrer son côté bénéfique. Dans mon apprentissage spirituel, je comprenais très vite la différence entre vouloir une chose dans l'optique de l'intérêt encore teinté par l'imperfection humaine et le besoin intrinsèque d'une action spirituelle qui ne tient pas compte de l'aspect quantitatif, déductif, tel qu'auparavant je le concevais. Le choix équivaut ici à l'action même. Le fait que l'esprit de Philippe quitte la pièce de cette manière avait dû capter mon intérêt ou mon interrogation, sachant que l'esprit de sa compagne, Suzanne, avec qui il devait vivre la paternité, restait au chevet de son corps endormi, en pleine construction d'un rachat antérieur. Le fait est que je partis aussi, cherchant Philippe dans l'espoir de comprendre son empressement. Mon guide et Sébastien, bien qu'invisibles, étaient avec moi dans mon travail. Je les ressentais au plus profond de mon être. Rapidement, je trouvai l'esprit de Philippe. Il se situait au milieu d'une plaine verdoyante. Celle-ci se dessinait tout autour de lui au fur et à mesure qu'il avançait, comme le ferait le faisceau d'un phare n'éclairant qu'un espace circonscrit par sa lueur, sortant là un décor somptueux d'une nuit profonde. Je compris très vite que cette ambiance n'était que le prolongement d'un besoin propre à Philippe et que, dans l'espoir d'atteindre cet esprit, je devais m'identifier avec cette création spirituelle. C'est ainsi que je me retrouvai instantanément dans le cercle sensoriel de Philippe. Nous étions dans un magnifique paysage vallonné où régnait un soleil écrasant. La surprise que faisait naître en moi la précision des détails attira mon guide et mon frère Sébastien. « Que vois-tu là ? » me demanda mon guide. Je répondis. « Nous suivons ici le besoin de recueillement de Philippe se traduisant en un paysage hypothétique. » Mon guide reprit. Toutes les tendances, les passions, les désirs et les besoins que nourrit l'esprit créent des mondes que seule la fougue nous impose en les rendant pondérables à nos sens. À chaque sursaut de l'âme existe un monde sympathique, s'étendant au milieu d'une éternité que nous rejoignons lorsque notre cœur s'y rapproche. Il faut savoir maîtriser ses pulsions pour ne pas se voir sombrer dans la jungle des fantasmes et des cauchemars. Philippe s'était assis, ses mains frottaient l'herbe, glissant ses doigts entre les brins. Il était songeur. Je m'approchai de lui pour me tenir devant lui. Il ne me percevait pas, et j'avoue que c'était moi qui ne voulais pas me montrer. Soudain, j'entendis une tierce personne l'appeler. En me retournant, je vis un autre esprit à l'allure excentrique. Il portait une sorte de couvre-chef, rendant difficile la visualisation de son visage. Il s'avança vers Philippe en balançant les bras. Il était habillé d'un épais pardessus marron en velours, ouvert sur un gilet bien trop petit et une chemise blanche tachée par la sueur. Lui aussi s'assit à côté de Philippe. « Que se passe-t-il ? » demanda l'esprit. À ceci, Philippe répondit. « Je suis assez contrarié par l'optique de ma prochaine épreuve. Je suis en effet conscient du bien fondé de cette incarnation que je dois servir en tant que père, mais j'ai du mal à accepter l'esprit qui doit être mon enfant. » Voyez-vous, c'est qu'il se montre si dédaigneux envers moi, semblant toujours mécontent. Il se donne des allures de blancheur devant Suzanne. Quant à moi, je perçois à travers lui l'homme ignoble qu'il était jadis. L'inconnu répondit. Philippe, tu dois t'efforcer de l'accepter. Sais-tu que ces pensées réfractaires retardent le moment de la fécondation ? Aie confiance, retrouve l'engouement de ce qui arrive et du même coup, à ton réveil, tu retrouveras ton entrain et ta sérénité. Souriant, je me retournai vers mon guide. « Qui est cet esprit paraissant si sage ? Est-il aussi un ancien acteur de ma dernière incarnation ?» Mon guide répondit. « Non, il n'est pas lié à ton épreuve. C'est un esprit familier à Philippe. C'est son grand-père, pour être plus précis, une entité de très bon conseil. » Je décidai alors de retourner au chevet de Suzanne que j'avais laissée en pleine discussion avec son futur enfant. Très vite, je la retrouvai lancée dans un débat, essayant de convaincre l'esprit de s'incarner dans un corps féminin. « Allez, lui disait-elle, essaye. Pourquoi ce soudain retour en arrière ? Tu semblais être d'accord, et voilà que tu rechignes à venir ici en femme. Oublies-tu que tu trouveras en cette vie la fin de tes problèmes ?»« Oui, répondit-il, mais en femme ? Oh, je ne sais pas, car je connais le problème. » « Oui, rétorqua Suzanne, mais as-tu déjà oublié qui j'étais avant d'être une femme ? Évalues-tu l'effort qu'il m'aura fallu pour accepter l'épreuve que j'ai subie avec mon beau-père et celui d'accepter l'amour d'un homme alors que mon passé a laissé de profondes griffures dans mon âme à ce sujet ? Oui, tu as raison, gémit l'esprit. » C'est ainsi que toute la nuit, les deux entités s'entretinrent. C'était donc cela les prémices d'une incarnation. Apparaissant, mon guide me dit. Ne fais pas de généralité, car si l'accouplement et la fécondation se font de la même manière dans le cadre d'une évolution moyenne pour l'espèce terrestre, sache que les raisons amenant cette action sont, elles, toutes différentes et uniques à chaque vie. Tu as vécu ici les derniers sursauts rétractiles avant l'entier investissement dans la voie du rachat. Comme avant l'examen, l'élève appréhende les premières minutes de son devoir. Ce sentiment est le signe d'une bonne conscience et d'un sens raisonnable du devoir. C'est alors que Sébastien m'attira vers lui. Il avait un air songeur et sévère à la fois. Empoignant ma main, il m'emmena dans un espace vide où je ne percevais ni point d'horizon, ni même une couleur définie. J'étais dans une sorte d'agglomérat informe où rien ne semblait avoir de consistance, mais où l'on ressentait cette extrême puissance prête à se saisir des moindres stimuli de nos âmes pour ainsi créer une forme, une ville, un paysage, un monde. Je ne voyais ce genre d'espace qu'en présence de mon guide ou de mon frère, un endroit neutre, mais non dénué d'une certaine beauté. Je compris qu'ici régnait la plus parfaite des puretés, théâtre de la vie, de l'existence, source de toute matière. Sébastien me conduisit lentement à travers ce lieu hors le temps et l'espace. Je savais qu'il désirait m'entretenir de quelque chose. Je devinais au fond de moi-même que ceci serait en rapport avec mon épreuve ou le travail que je devais faire ici. Il stoppa et me regarda. Son visage était devenu angélique. Il n'avait plus rien à voir avec le jeune garçon de mon enfance terrestre. J'éprouvais même quelques difficultés à lui trouver forme humaine. Sa bouche n'imprimait aucun mouvement, et pourtant il me parlait. « Daniel, disait-il, il te faut maintenant prendre conscience du sens réel de toutes ces études, ces voyages qui constituent ton travail. » C'est une mission que l'on te confie et l'on attend beaucoup de toi, tout autant pour ce qui va suivre dans l'immédiat que pour les événements à venir. Tu devras toujours intervenir avec une responsabilité mûrie et pesée. Il faudra orienter tes idées, tes actes, suivant ton objectif, qui est l'information et son partage. Tu dois bien le comprendre. Sébastien était solennel, gracieux dans son allure. Ses mots percutaient mon cœur. J'étais là, attentif à ses gestes. Tu dois enregistrer toutes ces études et les remarques qu'elles suscitent avec le plus de précision possible. Classe-les dans un ordre croissant selon tes ressentis. Traduis-les ensuite dans le langage humain, celui que tu désires. Sache qu'ainsi, ta conscience, chargée de 1000 informations pratiques, devra par la suite servir les hommes à la recherche de spiritualité. Un jour viendra où tu donneras ton témoignage par le biais de la communication médiumnique. Un témoignage de plus au milieu de centaines d'autres qui se manifesteront en des périodes d'incertitude où le monde des humains cherchera l'ouverture. Ce partage apportera beaucoup, autant pour toi qu'à ceux qui en prendront conscience. Tu seras dans ta manifestation un porte-parole et l'investigateur d'un renouveau. Non que seul ton travail sera reconnu et adulé, mais il viendra enrichir l'élan global du spiritualisme sur la terre. Prends donc conscience de la gravité de ce que tu fais et feras, Daniel. Tu en es responsable devant Dieu. Tu peux y aller maintenant. J'étais secouée par cette révélation, me mettant ainsi sans préambule à la tête d'une entreprise que je pensais subir jusqu'ici. Moi, le pauvre enfant assassiné, devenant une sorte de troubadour de l'astral, racontant aux incarnés les méfaits de mon existence à travers le chant des mots et la douceur des cantiques. Peut-être que j'en faisais un peu trop. Je ressemblais à un jeune garçon qui, tout à coup, recevrait un cadeau, faisant de grands gestes et disant « Oh là là !» Sébastien disparaissait progressivement en me souriant. Puis je me retrouvais auprès de Suzanne et appelai mon guide. Celui-ci m'apparut et me dit « Daniel, plus tu avanceras dans l'éther, plus tu ressentiras le poids de ton existence et la place que tu prends dans l'éternité. » Dans un début sans mesure, tu tremblais de peur, agité par les secousses de ton corps meurtri. Maintenant, tu perçois l'horizon et la confiance que Dieu te donne. Sois fort et confiant, car prochainement, il te faudra affronter de face les problèmes humains et la lourdeur de leur sens. Tu auras plus que jamais besoin de toute ta conscience qu'ici tu dois structurer. Après ce long discours, mon guide m'emmena à son tour dans un étrange endroit où évoluait une multitude d'entités réparties en petits groupes. Chacune d'elles semblait captivée par les choses qui s'y déroulaient. Tous ces groupes émettaient autour d'eux de nombreuses couleurs sans cesse en mutation. Les pensées en émanant formaient un brouillard spirituel étonnant. Au milieu de milliers de mots, je parvenais à en comprendre quelques-uns, me renseignant sur les discours. Il s'agissait de cours destinés aux futurs incarnés. Ces esprits apprenaient à s'incarner, ce qui m'amusait beaucoup, moi qui croyais que ces choses s'effectuaient le plus naturellement possible. Mon guide me dit alors « Rappelle-toi, Daniel, les formes représentatives de tout cela sont facultatives, traduites par l'expression de ton cœur ainsi que de tes états émotionnels. » L'incarnation est véritablement une chose que nous pourrions appeler naturelle, si toutefois l'homme se mettait d'accord sur le sens de ce mot. Le passé est la structure sans cesse changeante de nos incarnations. Le présent est l'application de nos pensées pour le gain d'un futur qui construit le passé, édifiant sans relâche et à jamais de nouveaux états dans l'éternité. Tu dois le comprendre. Nous nous retrouvâmes ensuite face au groupe d'études où se trouvait le futur nouveau-né. Sa silhouette suffisait à me faire sourire, n'imaginant pas cet esprit encore rustre en bébé bougon et joufflu. D'ailleurs, mon amusement ne manquait pas d'agacer l'être en question qui, en se tournant vers nous, faisait signe de nous éloigner. Mon guide, quant à lui, me demandait de ne pas faire attention à ses mimiques. Je m'adressais à ce dernier. Qu'apprennent-ils au juste? Doivent-ils songer dès maintenant à la façon dont ils s'incarneront dans l'enfant, ou apprennent-ils la patience qui devra leur permettre d'attendre les 9 et longs mois de gestation? Il répondit. Non, ces esprits ne considèrent pas ici les points matériels de leur incarnation et le rapport temporel qu'ils déterminent, mais prennent conscience de leurs responsabilités, tout à la fois dans la finalité qu'ils veulent atteindre par la vie terrestre et dans l'étendue des formes matérielles qu'ils engendreront, ceci depuis l'œuf maternel. Une responsabilité présente jusqu'à la fécondation, car, tu vas le découvrir, l'esprit que nous suivons s'est déjà attribué le véhicule spermatique de son futur père. Brusquement, nous nous retrouvâmes dans la chambre de Suzanne. Les rideaux fermés laissaient toutefois filtrer la forte luminosité du jour. L'heure du réveil indiquait bien que nous étions en fin de soirée, au seuil d'une prochaine nuit que je situais en été. Les amoureux étaient là, s'unissant par le sexe. Mon guide, connaissant mon aversion pour ce genre de situation, se mit à mes côtés et m'instruisit. Daniel, tu dois commencer à voir et comprendre, au-delà des limitations humaines et du cloître du désir, source de bien des malheurs. Tu percevras cet accouplement en surpassant la chair et en visualisant l'essentiel. Philippe s'adonnait au plaisir dans un élan grandissant. C'est alors que je découvris, au milieu de cette intimité, l'entité devant s'incarner. Allongé aux côtés de Suzanne, cet esprit était statique, sévère même, semblant étranger aux ébats de ses futurs parents. Son visage exprimait la concentration. Quel spectacle ! J'étais étonnée. Mon guide ne manquait pas de m'influer que mon cœur était là, le Judas de mes passions. Le couple entrait alors en phase de fécondation. Subitement, le corps spirituel de l'entité fut aspiré par celui de Suzanne. Le pauvre bougre venait de se faire saisir par la matière terrestre. Aussitôt après, mon guide et moi-même nous retrouvâmes dans une pièce vide surmontée d'une petite lucarne d'où passaient de larges rayons lumineux. Il me demanda « Comprends-tu ce qui vient de se passer ?»« Pas entièrement, » répondis-je. « L'entité vient de s'incarner. » Étonné, je voulais en savoir plus et entamais le dialogue. « Vous dites que cet esprit vient de s'incarner ? Mais pourtant, nous ne sommes qu'aux prémices d'une fécondation, sans compter savoir si tout se passera bien. » L'incarnation n'est-elle pas faite et définitive qu'à l'instant de la naissance ? Oui, Daniel, l'incarnation définitive n'est faite qu'après la naissance. Mais où, à quel moment commence-t-elle ? L'homme est à ce sujet ignorant, et ses théories explicatives sur la nativité équivalent celles qu'il établit sur la matière et ses composants, c'est-à-dire qu'elles sont incomplètes. La complexité et le développement de l'incarnation existent aussi dans la propre constitution matérielle ? Oui, de la matière que l'homme connaît et aussi de celle qu'il ne connaît pas. C'est ainsi que l'agencement des éléments atomiques se fait par affinité et attraction. Dans l'incarnation, la gestation offre aux entités les éléments constitutifs pour la formation de leur corps. Par l'attraction que représente en elle-même l'incarnation, ils recevront également des éléments atomiques ou matériels pris hors le corps maternel et que l'humanité ne discerne pas encore. Pour notre exemple, l'esprit est-il ainsi attaché irrémédiablement à sa mère et au corps qu'il construit plus par attraction que par un réel calcul ? Oui, mais l'esprit en situation de gestation est attaché à sa mère plus par désir que par un lien physique irréversible, compte tenu d'une part de la liberté dont jouit encore l'entité, et d'autre part, celle de la mère pouvant à tout moment avoir raison de cette naissance. dans ce que tu reconnais comme la gestation, l'esprit est toujours en pleine possession de ses moyens, pouvant à loisir s'éloigner de sa mère. Mais, naturellement, cette liberté perdra peu à peu de son intensité selon la graduation constitutive du fœtus. Plus le bébé trouvera une certaine liberté dans ses mouvements, plus son esprit perdra la sienne, l'un allant à l'autre. C'est une longue marche vers la matérialité où la matrice fluidique, que l'on définit par le périsprit, se recouvrira judicieusement d'éléments atomiques. Mais ne crois pas que cette action d'incarnation se terminera à la naissance du bébé. Non, l'attraction sur les éléments matériels continuera encore. Plus l'enfant grandira, plus l'esprit s'enfoncera dans la matière de l'enveloppe charnelle. Ceci durera à peu près jusqu'à la fin de l'adolescence, moment culminant de son incarnation. À partir de ce zénith matériel, l'esprit entamera sa désincarnation jusqu'à la dissolution totale de sa forme atomique. Comprends-tu ? Oui, je comprends et suis très intéressée, bien que cette explication m'étonne un peu. Ce n'est pas étonnant, puisque l'idée de la réincarnation et son théorème sont un indice d'évolution. Sache que, dans les mondes supérieurs, l'incarnation est spontanée, ainsi que la mort, la matière fluidique étant le seul élément constitutif. L'incarnation terrestre est facultative dans sa forme, tout comme le monde dimensionnel qui s'y trouve. Rappelle-toi que le fondement des mondes est proportionnel aux besoins qu'ils représentent. La Terre n'est pas le seul endroit d'incarnation. Mais en attendant que notre bébé se forme, je te propose de visualiser une autre forme de vie, se trouvant dans un niveau d'évolution analogue à celui de la Terre, avec cependant quelques différences. Tu t'apercevras que l'idée des choses est universelle, mais que son application change à l'infini.